Chapitre 16. Fuite de Calvin. Printemps de 1536. 9-16. Les Français doivent quitter Ferrare. Calvin saisi. On le délivre. Qui ? Sa fuite, sa route, la cité d'Aoste, opposition à l'Évangile, zèle de l'évêque Gazzini, assemblée des États. Calvin était-il alors à Aoste ? Deux fois à Aoste ? La ferme de Calvin, le pont et la fenêtre de Calvin, le monument d'Aoste, Calvin à Noyon, la passion de Calvin. Le duc Hercule d'Est avait remarqué certains changements qui s'étaient opérés autour de lui depuis l'arrivée du Français. La discussion de Calvin avec maître François n'avait pu rester cachée. Le petit-fils de Borgia savait que le pape, sous prétexte d'hérésie, pouvait le dépouiller de ses états. Déjà son père, le duc Alphonse, pour s'être mis mal avec Rome, avait vécu longtemps dans l'exil. Il y avait à Ferrare un tribunal de l'Inquisition, et ce qui se passait alors à la cour était plus que suffisant pour l'alarmer. Un rapport avait été fait au pape. Charles Quint avait été informé. Paul III proposa au duc un traité dans lequel il fit insérer une clause secrète stipulant l'éloignement des Français alors à Ferrare. Mais il y en avait un auquel un sort plus sévère était destiné. Le duc, revenu de la complaisance qu'il avait montrée à sa femme, lui déclara qu'il voulait mettre un terme aux menées schismatiques dont la cour était le théâtre, que le comte et la comtesse de Marennes, Soubise, les autres gentilshommes et même Marot devaient quitter ses états. « Quant à M. d'Espeville, ajouta Hercule d'Este, sachez, madame, que s'il est découvert, il sera à l'instant traîné au supplice à cause de la religion. » Cet arrêt fut pour René comme un coup de foudre. Appelée à quitter la terre de ses aïeux, elle s'était fait à Ferrare une petite France. Et maintenant, tous ceux qui lui donnaient quelque joie dans son exil allaient lui être arrachés. Rome lui enlevait ce pieux et savant docteur qui la conseillait si bien. Peut-être même devrait-il expier sur un bûcher d'Italie le crime d'y avoir annoncé l'Évangile. Tous les seigneurs et les dames de la cour, et même le satirique Marot, devaient quitter Ferrare. Léon Jamais semble avoir été le seul Français auquel il fut permis de rester. La duchesse, ayant besoin d'un secrétaire, obtint de son mari que cet ancien clerc du Trésor demeura près d'elle pour en remplir les fonctions. Ainsi, la fille de Louis XII, après avoir eu des jours pleins de lumière, était condamnée à rester presque seule dans son palais comme en une chambre ténébreuse. Épiée dans ses moindres mouvements, tourmentée par des prêtres qu'elle méprisait, exposée de la part du fils de Borgia à d'injustes rigueurs, Marot, touché de tant d'infortunes, et sachant la part que la reine de Navarre, la sœur de René, prendrait à cette grande épreuve, lui adressa ses vers touchants. « Ah, Marguerite, écoute la souffrance du noble cœur de René de France, puis comme cœur, plus fort en espérance, console-la. Tu sais comment hors de son pays, Allah, et que ses parents et amis laissa là, mais tu sais quel traitement elle a en terre étrange. » René devait connaître une douleur plus grande encore que celle que lui causait le renvoi, au-delà des monts, de ses amis de France. Cette inique institution, décorée du nom de Saint-Office, qui devait plus tard faire des milliers de martyrs en Espagne, dans les Pays-Bas et en d'autres contrées, voulait alors frapper le docteur qui a inspiré à Rome le plus d'effroi et de haine. L'Inquisition avait découvert le séjour de Calvin. Son nom, son crime, furent inscrits dans le livre noir de cette institution cruelle. L'hérésie éclatait dans la cour d'Est, on désignait le principal coupable. Si l'on laissait aller les autres, il fallait au moins frapper celui-ci. Calvin, averti de ce qui se passait, était dans le palais del Magistrato, où il habitait ainsi que du Tillet, et préparait en hâte son départ. Mais les inquisiteurs étaient au guet. Leurs officiers arrivèrent, se saisirent du « perturbateur empesté » et l'emmenèrent prisonnier. Leur intention n'était point de le laisser dans un lieu où le docteur évangélique possédait de puissants amis. Ils résolurent de faire instruire son procès à Bologne, ville des États du Pape, peu éloignée de Ferrare, et où ils seraient entièrement les maîtres. Le jeune Français fut donc remis à quelques familiers du Saint-Office et dut prendre, au milieu d'eux, le chemin de cette antique cité qui s'honorait de posséder dans ses murs les cendres de Dominique, père de l'Inquisition. Calvin avançait entouré des gens chargés de le conduire. Il eût pu dire alors de lui-même ce qu'il dit plus tard d'un autre, « combien qu'il espère encore le voilà assiégé de 100 morts, en sorte qu'il n'a ouverture, tant petite qu'elle soit, pour échapper. Le tribunal de l'Inquisition, qui n'était jamais tendre, ne le serait pas sans doute envers un hérétique de cette espèce. L'escouade qui le menait, se dirigeant vers le midi, traversait un pays fertile et s'avançait sans obstacle vers la ville des États pontificaux. Calvin et ses gardiens avaient déjà fait une bonne partie du chemin quand parurent tout à coup des gens armés. Ils arrêtent la troupe et ordonnent qu'on relâche le prisonnier. Y eut-il résistance? Nous l'ignorons. Quoi qu'il en soit, les inquisiteurs, peu accoutumés à céder, se virent enlever le docteur qu'ils traînaient à une mort certaine. Calvin fut mis en liberté et ne pensa plus qu'à quitter l'Italie. Son séjour dans ce pays, tel que nous l'ont fait connaître des documents authentiques, est loin d'être, comme on l'a cru quelquefois, une page blanche. La dernière circonstance que nous venons de rapporter d'après Muratori a même un intérêt particulier. Elle rappelle une circonstance célèbre dans l'histoire de la Réformation allemande, celle où Luther, revenant de Worms, fut enlevé par des cavaliers masqués et armés de pied en cap. Mais le cas de Calvin était plus grave que celui du réformateur saxon. Celui-ci fut conduit dans un château de ses amis, à l'abri de tout danger. Tandis que Calvin fut laissé seul, presque au milieu de l'Italie, obligé de traverser des pays hostiles, où il courait grand risque de se voir de nouveau arrêté. On se demande qui enlevait cette proie d'élite aux tribunaux de Rome, et cela dans les états même du pape. D'où le coup était-il parti? Il était hardi, téméraire, il exposait ceux qui en étaient les auteurs et les exécuteurs à de grands dangers, car la papauté et l'inquisition étaient alors puissantes en Italie. Une vive affection, un grand respect pour le réformateur, un dévouement sans borne à la cause de la vérité peuvent seuls expliquer cette audacieuse aventure. Une personne seulement, dans la péninsule italienne, avait pu la concevoir et la faire exécuter. C'était, était-il besoin de le dire, la fille de Louis XII. Chacun lui attribua la délivrance du réformateur. On pouvait s'attendre à ce que l'Inquisition, toujours si ombrageuse et si sévère, serait implacable dans sa vengeance. René échappa au moins pour le moment. Il est probable qu'Hercule d'Est usa de son influence à la cour pontificale pour étouffer l'affaire et promit de tenir à l'avenir la duchesse plus à l'étroit. Il n'exécuta que trop sa parole. Calvin n'hésita pas à profiter de cette délivrance, mais dès ce moment, nous n'avons pas de données suffisantes sur lui et sur sa marche. Pour trouver ses traces, il faut interroger des traditions locales que l'on ne doit pas mépriser, mais qui toutefois ne nous fournissent pas une certitude vraiment historique. Il était naturel, la carte même l'indique, que le fugitif se dirigea du côté de Modène. Dans les environs de cette ville se trouvait un lettré célèbre et suspect d'hérésie, Louis Castelvetro, critique estimé, habile interprète, qui avait traduit en italien l'un des écrits de Mélenchon, et qui, bien des années plus tard, ayant quitté l'Italie, passa à Genève, où il visita des amis. La maison de l'ancienne villa de Castelvetro ayant été démolie de nos jours, les ouvriers y découvrirent une armoire scellée qui contenait les premières éditions des œuvres de Calvin, merveilleusement conservées. Le réformateur avait sans doute entendu parler de cet humaniste à la cour de Ferrare, mais rien ne dit qu'il ait cherché alors un asile passager sous le toit du traducteur de Mélenchon, qui ne paraît pas avoir fait alors une franche profession de l'Évangile. La tradition dit que Calvin, au lieu de se diriger vers le nord pour se rendre en Suisse, longea les Apennins, se porta à l'ouest et arriva au Val des Granats, entre Saluces et Conni, où il prêcha. On assure que les prêtres du village de Carigliano ameutèrent leurs paroissiennes et que ces femmes, poussant des cris sauvages, chassèrent le Français à coups de pierre. On ajoute que Calvin se dirigea alors sur Saluces et y prêcha de nouveau, mais avec aussi peu de succès. Ces traditions ne nous paraissent pas être suffisamment confirmées pour qu'on leur assigne une place dans l'histoire. Il semble plus probable que Calvin prit le chemin le plus court pour se rendre en Suisse et se dirigea à cet effet sur le Saint-Bernard. S'il avait eu le loisir de faire des excursions évangéliques, il eût été sans doute dans les vallées vaudoises que son cousin Olivetan avait visitées et où s'était formé le projet de la traduction de la Bible, à laquelle il avait lui-même travaillé et devait travailler encore. mais il n'y a aucun indice qu'il ait jamais visité ces montagnes. Il arriva à la cité d'Aoste. Les premières lueurs de la parole de Dieu commençaient, nous l'avons dit ailleurs, à éclairer cette contrée cisalpine, située au pied du Saint-Bernard, du Mont-Blanc et du Mont-Rose. Aoste, fondée par Auguste, dont elle tient son nom, avait reçu de la Suisse un souffle évangélique. Les Bernois avaient pensé que si la parole divine, traversant le Saint-Gothard, avait fait des conquêtes près des rives du Tessin, elle pouvait bien, passant le Saint-Bernard, en faire aussi dans la vallée d'Aoste. Les documents italiens, bernois et genevois, déposent tous également de la fermentation religieuse qui agitait alors la cité. L'évangile se répand au-delà des monts, écrivait Porral. Envoyé de Genève à Berne, il faut qu'il aille en avant en dépit des princes, puisqu'il est de Dieu. Bientôt, la hiérarchie romaine, ayant fait usage de ses armes ordinaires contre ceux qui embrassaient la Réformation, Porral annonçait que les Aostins avaient de grosses questions avec leur évêque, à cause des excommuniements qu'ils ne pouvaient souffrir. Nous avons raconté comment, en novembre 1535, des plénipotentiaires bernois se rendirent à Aoste pour conférer avec le duc de Savoie. Ils y parlèrent en faveur de Genève. Ils demandèrent la délivrance de Saunier, alors prisonnier à Pignerolles. Ils parlèrent à ceux avec lesquels ils se rencontraient des grandes questions alors débattues et les invitèrent à recevoir les enseignements des Saintes Écritures. Quelques hommes de la vallée, soit parmi la noblesse, soit parmi la bourgeoisie, accueillirent les principes de la Réformation. On nomme, parmi ceux qui furent gagnés à l'Évangile, les seigneurs de la Crète et de la Visière, le pieux et zélé Léonard de Vaudan, les sieurs Bézenval, Tillier, Chaland, Beauvais, Borgnon, Philippon, Gay et d'autres. Mais s'il se trouvait, dans le Val d'Aoste, des cœurs prêts à recevoir l'Évangile, il y avait aussi là des volontés décidées à lui résister. À la tête des adversaires se trouvaient deux hommes éminents. Parmi les laïcs était le comte René de Chaland, maréchal d'Aoste, plein d'enthousiasme pour la papauté et la féodalité, et rempli de mépris pour les hérétiques et les républicains de la Suisse. Navré de voir les revers que subissait le duc de Savoie, son maître, il avait juré que dans Aoste du moins, il exterminerait tous les luthériens. Il avait pour compagnon d'armes dans cette croisade un des prélats les plus célèbres de l'Italie, Pierre Gazzini, évêque d'Aoste. Les prêtres et les dévots exaltaient ses vertus et son savoir, mais ce qui le distinguait surtout, c'était cette humeur altière, ce caractère dominateur qui caractérise si souvent les prêtres de Rome. Gazzini était chanoine de Latran, première église patriarcale de l'Occident, et il servait d'intermédiaire entre le duc et le pape. Il se trouvait à Rome pendant que la doctrine évangélique commençait à se répandre dans son diocèse et s'efforçait alors d'obtenir que le concile, qui devait mettre fin à l'hérésie, se tint dans les états du duc son maître. Il poussait même fort loin son ambition pour son souverain. « Il est convenable, disait-il au pontife, que le gouvernement du concile soit donné au duc de Savoie, soit par l'empereur, soit par le roi de France. Le gouvernement d'un concile donné à un prince séculier par le pape et deux autres princes séculiers est une idée qui ne semble pas très en accord avec l'omnipotence théocratique du pontife, si fort exaltée par plusieurs. En l'absence de l'évêque, il se trouvait à Aoste un personnage digne de le remplacer, c'était le gardien du couvent des franciscains, Antoine Savion, Antonius de Sapientibus, homme instruit, zélé, qui fut nommé plus tard général de l'ordre et fut l'un des pères du concile de Trente. Savion poussa le cri d'alarme. Un jour que Gazzini remplissait ses fonctions dans la basilique de Saint-Jean, il reçut des lettres qui lui apprenaient les circonstances de la cité d'Aoste. Le prélat effrayé n'hésita pas. L'hérésie de Calvin pénétrant dans son diocèse, dit le prêtre savoyard Besson, il accourut pour lui couper le chemin. À peine l'évêque fut-il arrivé qu'il parcourut toutes ses paroisses avec une diligence infatigable. Il monta dans les chaires et soutint le peuple dans la saine doctrine par ses discours. Il disait que le diable lui-même courait çà et là comme une bête furieuse pour les dévorer, qu'il fallait donc faire bon guet et repousser cet animal féroce. À ses prédications, il joignait des censures, des monitoires, des excommunications. Tous les lecteurs des Saintes Écritures seraient chassés du bercail. Il devait y avoir dans Aoste une assemblée générale des États de la vallée pour régler les affaires du pays. Elle se réunit le 21 février 1536. Parmi les députés se trouvaient plusieurs des amis de la Réformation. De la Crête, Vaudan, Bormion et d'autres indiqués dans le cahier des États. Deux faits surtout préoccupaient avec inquiétude la majorité de l'Assemblée. La situation politique et la situation religieuse de la cité lui semblaient également menacées. Les regards étaient portés sur la Suisse et l'on disait que quelques desseins de conquête politique se joignaient dans l'esprit des Bernois au désir trop avéré de conquête religieuse. Dans un moment où la maison de Savoie se trouvait exposée au coup de la France, plusieurs désiraient voir le Val d'Aoste en profiter pour se rallier aux ligues helvétiques et se ranger sous le drapeau de l'Évangile. Les membres de l'Assemblée étaient convaincus que les Suisses désiraient cantonner tout le pays et étendre ainsi des deux côtés des Alpes leur confédération. Mais l'autre danger alarmait encore plus les chefs du parti romain. Ils représentèrent vivement aux États que l'attachement de la cité et de la vallée au Saint-Siège de Rome était menacé, que les Bernois luthériens, qui ne s'étaient pas contentés de s'emparer du pays de Vaud, mais y avaient introduit et semé leur secte envenimée, voulaient faire de même dans Aoste. L'Assemblée conclut au maintien de la foi catholique romaine et de la fidélité à son Altesse ducale, et il fut décidé que tout contrevenant serait puni de la peine capitale. Il est de notoriété générale que Calvin passa à la cité d'Aoste, mais fût-ce à cette époque qu'il arriva, et s'y trouva-t-il pendant une partie au moins de la session des États? Des documents du XVIIe et du XVIIIe siècle l'affirment. Cette présence ne serait pas impossible. Mais une circonstance nous semble s'opposer à ce qu'on l'admette. Les documents officiels de l'époque, et très particulièrement les procès-verbaux de l'Assemblée de février et de mars 1536, ne contiennent aucune mention, même aucune allusion à la présence de Calvin. Elle eût pourtant valu la peine d'être indiquée, ne le désigna-t-on même comme le firent un peu plus tard les registres de Genève, qu'en l'appelant un Français. Deux faits importants, sous le rapport religieux, se passèrent à la cité d'Aoste dans les premiers mois de l'an 1536, l'Assemblée des États et le passage de Calvin. Le premier eut lieu en février et mars, le second probablement peu de mois plus tard. La tradition les fait coïncider, ce qui est plus dramatique. L'histoire les remet à leur place, mais parce que le réformateur ne joua pas lors de l'Assemblée le rôle qu'on lui attribue, il ne faut pas prétendre qu'il n'a jamais traversé cette ville. Calvin avait des motifs pour prendre la route d'Aoste et du Saint-Bernard. Elle était fréquentée depuis des siècles, et il avait appris sans aucun doute, lors de son séjour à Bâle, ce qui était universellement connu en Suisse, que les Bernois avaient de fréquents rapports avec ce pays, qu'ils y avaient porté l'Évangile, et que quelques-uns des habitants avaient adopté les principes de la Réformation. Un document ancien donne à entendre que Calvin passa par Aoste, soit en allant, soit en revenant. Ce serait naturel à notre avis. Les rapports faits en Suisse sur cette cité devaient l'engager à prendre cette route pour se rendre en Italie. Et l'on conçoit facilement, quant au retour, qu'un fugitif prenne un chemin déjà connu de lui et où il est sûr de rencontrer des amis. Mais nous n'insistons pas, et nous continuons de suivre les traces que Calvin a laissées dans le pays lors de son retour et qu'on y retrouve encore. Au pied du Saint-Bernard, près de la cité d'Aoste, était une maison placée sur un lieu élevé, où se trouve encore une grange. Pour y arriver, on quitte à peu de distance de la ville le chemin du Saint-Bernard et l'on prend un sentier près duquel s'élève maintenant une petite chapelle. Les prés qui l'entourent, les cimes abruptes qui la dominent, les Alpes qui cachent dans les nues leur sommité neigeuse, la vue sur Aoste et la vallée, tout donne à cette maison un aspect pittoresque. Si le voyageur demande aux habitants du pays ce que c'est que cette demeure, on répond que c'est la ferme de Calvin. On ajoute que le réformateur, en traversant Aoste, y fut reçu par l'un des réformés les plus zélés, Léonard de Vaudan. Il est fort naturel que Calvin préféra cette habitation retirée à l'une des maisons de la cité. On ne sait rien de ce que Calvin dit ou fit en passant à Aoste. Le seul fait qui nous semble avéré, un monument de plus de 3 siècles l'atteste, c'est que son passage ne demeura pas inconnu et y causa même une sensation plus ou moins vive. Le réformateur eût couru de grands dangers s'il se fût arrêté en ces lieux, dans la ville de l'évêque Gazzini, qui armait tout son monde contre les hérétiques par ses entretiens pleins de véhémence, et qui, voyant dans les docteurs évangélistes le diable lui-même, nous l'avons dit, demandait qu'on repoussât l'animal féroce. Ce sont les termes qu'emploie l'historien du diocèse. Calvin, qui était déjà fugitif, se hâta de quitter cette ville. À ces faits simples et naturels, on a ajouté quelques circonstances extraordinaires. On a représenté, par exemple, le comte de Chaland donnant la chasse à Calvin et le poursuivant l'épée nue jusqu'au fond des montagnes. Ceci est la légende que l'on a cousue à l'histoire, comme cela n'arrive que trop souvent. Il était naturel que Calvin ne prît pas, dans les circonstances où il se trouvait, la route ordinaire, car on ne pouvait manquer de l'y chercher et l'on eût pu facilement l'atteindre. Il paraît, si nous suivons les vestiges que son passage a laissés autour d'Aoste, qu'il chercha à échapper aux ennemis de la Réforme. Quand on quitte la ferme de Calvin et qu'on se dirige sur la droite, on rencontre, au-dessous du village de Clocelina, près de Roisan, un pont. C'est, dit-on, dans le pays, le pont de Calvin. Il le traversa et suivit ainsi un chemin plus difficile et moins fréquenté que le Saint-Bernard. Si l'on gravit la montagne en se dirigeant vers la vallée de la Valpelline, on arrive à un col entouré des monts Balme, Combin et Vélan. C'est le col de la Fenêtre, appelé plus tard la Fenêtre de Calvin, et c'est par là que le réformateur rentra en Suisse. Cependant, le passage de Calvin, nous l'avons dit, avait fait impression dans Aoste. Les habitants de cette ville très catholique regardaient leur opposition aux réformateurs et la nécessité où ils s'étaient trouvés de leur échapper par la fuite comme une gloire pour leur cité, propre à leur attirer l'admiration des partisans de la papauté. On résolut d'en éterniser la mémoire. En conséquence, 5 ans après ces événements, le 14 mai 1541, les Aostins dressèrent, en souvenir de ce fait, une croix de pierre taillée au milieu de leur ville. Le monument primitif, ayant besoin de réparation, fut remplacé 2 siècles plus tard, en 1741, par une colonne de 8 pieds de haut dont parle Senebier et sur laquelle on lisait « Hanc Calvini fuga erexuit anno 1541, religionis Constantia reparavit 1741 ». Enfin, un siècle après, succéda à cette construction celle que tout voyageur peut voir maintenant en traversant la cité d'Aoste et que nous avons examinée plus d'une fois nous-mêmes. Ainsi, 3 siècles et 3 monuments successifs. Le passage de Calvin par la cité d'Aoste est au nombre des faits historiques commémorés sur la place même où ils ont eu lieu de la manière la plus péremptoire. Calvin traversa la Suisse, arriva à Bâle et se rendit de là à Strasbourg. Il résolut de choisir l'une ou l'autre de ces deux villes pour y mener soit près de Cop, Grineus et Myconius, soit près de Bucer, Capiton et Édion, cette vie studieuse et paisible qu'il désirait si fort. Mais auparavant, il voulait retourner à Noyon, où il avait quelques affaires à mettre en ordre. Laissant donc Du Tillet à Strasbourg, il partit pour la France. Il le pouvait sans imprudence, car il n'avait pas quitté sa patrie sous le poids de quelques jugements formulés contre lui et auxquels il voulait se soustraire. De plus, le gouvernement montrait alors moins de rigueur. À peine eut-on appris à Paris l'arrivée du jeune docteur que plusieurs amis de l'Évangile se rendirent à son hôtellerie. Ils ne pouvaient se lasser de l'entendre. Il ne se trouve pas dans toute la Gaule un homme qui nous inspire autant d'admiration que vous, lui disait-il. Mais Calvin avait hâte d'arriver à Noyon. Un chagrin l'y attendait, son frère Charles, le chapelain, n'était plus de ce monde. Les circonstances de cette mort le remplirent à la fois de tristesse et de joie. Charles, disait à Jean, son autre frère, Antoine, et Marie, leur sœur, a confessé hautement Jésus-Christ sur son lit de douleur et n'a pas voulu d'autre absolution que celle qu'on obtient de Dieu par la foi. Ainsi les prêtres, irrités, l'ont-ils fait enterrer de nuit entre les 4 piliers de la potence. Calvin invita Antoine et Marie à quitter un pays où l'on couvrait les croyants d'infamie. Son séjour à Noyon fut très court. Il ne lui était pas possible d'aller directement à Bâle ou à Strasbourg, la guerre entre Charles Quint et François Ier ne permettant pas de traverser la Champagne et la Lorraine. Mais il apprit qu'il pouvait, sans fâcheuse rencontre, passer par la Bresse, puis remonter le Rhône, traverser Genève et se rendre à Bâle par Lausanne et Berne. Il prit cette route. En tout cela, dit Bèze, il avait Dieu pour conducteur. Ainsi s'approchait de Genève ce grand docteur qui discerna mieux qu'aucun autre ce qui, dans la doctrine et dans la vie, était conforme ou opposé à la vérité et à la volonté de Dieu. Tandis que ses prédécesseurs avaient laissé subsister quelques traditions à côté des Écritures, celui-ci avait mis à nu le roc de la parole. La vérité était devenue l'unique passion de cette âme ardente et inflexible, et il s'était décidé à lui consacrer sa vie. Toutefois, il n'avait alors aucune idée de faire une œuvre semblable à celle de Luther, et si on lui eût montré la carrière qui allait s'ouvrir devant ses pas, il eût reculé avec effroi. « Je tâcherai de gagner ma vie en état privé », disait-il. L'ambition de François Ier changea tout. Ce prince accomplit à son insu les desseins de Dieu, qui voulait placer le réformateur au centre de l'Europe, entre l'Italie, l'Allemagne et la France.